Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast de coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche! Ça plaît, Moon! Parlant de poubelle homosexuelle, mon nom est Jess PBM, concierge, bipolaire, sobre, non-binaire et gender gazeux. Et moi, la seule occupation double que j'accepte, c'est l'occupation double pénétration. C'est pas comme vous pensez. Pas comme on pense? Non! OK. Je vous explique pas. Merveilleux. Toujours dans l'ordre du rose, moi, c'est Charlie Morin. Et comme je l'ai révélé dans un épisode précédent, j'ai récemment déménagé et mon numéro d'appartement, c'est le 2 et je l'appelle comme mon album préféré de Céline, D'EUX, quand je l'envoie aux gens. Puis, on n'est pas tout seul! Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? On a les ficelles avec nous autres! c'est un flow constant de crossover épisode, on se peut plus et on capote. On a Les Filles des Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double, produit par Ricochet. Allô, Amélie Faubert, Solène Paré et Robin Brazil. Allô! Oh my God, on est tellement contents! Incroyable! Et ça veut pas pour autant dire que ça va bien, parce que non. Ça va mal. Non. Ah, ça va très mal, effectivement. Ça va, oui, ça va mal. Novembre est incroyablement rough cette année. Puis c'est ça de votre bord aussi, j'imagine. Je m'attends de la slush partout. Les arts vivants sont morts. Oui. Les arts vivants sont morts, certains, là! À 4h15. Oh my God, de quoi on parle aujourd'hui, Jess? Ben, probablement du changement d'heure, parce que c'est pas mal rien que de ça que le monde parle en ce moment. Mais sinon, on se demande, hein, on se le demande, comment Occupation Double peut ou pas être un cheval de Troie pour aborder les conversations radicales à teneur anti-oppressive avec notre entourage? On parle de comment J. Du Temple a cancel la masculinité toxique à grands coups de bleach et de vernis à ongles pour nous libérer tous et toutes. Notre héros, et comme si c'était pas encore assez, on discute d'un nouveau jalon vers la révolution queer, un couple de femmes à Fait qu'on va se chercher un petit café, puis on revient, puis on vous parle de cette libération par la télé-réalité que nous subissons tous et toutes en ce moment. Alors on va aller chercher un Occupation Double Espresso. Oh! Oh! Ah! OK, alors on est toujours avec Amélie Faubert, Salem Paré, Robin Brazil du balado Les Ficelles qui décortique féministement ce qui se passe à Occupation Double chaque semaine. Alors, moi, personnellement, j'ai été récemment insectée. Jess, quant à elle, demeure pure et intacte. Oh. Mais on se demandait, depuis quand vous écoutez OD, puis comment l'idée vous est venue d'enregistrer un podcast féministe sur le sujet? En fait, en ce qui concerne Amélie, c'était comme la fille de notre cercle d'amis qui écoutait OD depuis l'époque de Joël Legendre. Là. Ouais. Elle a quasiment inventé OD. Là. Ouais, ouais. Fait que Amé, c'est l'origine qui vous a infecté, genre, c'est... Mais en fait, même pas. En fait, Robin et moi, on a découvert OD ensemble à OD Bali, en fait, il y a 3 ans. Mm-hmm. Puis, on s'est mis, je sais pas pourquoi, là, à un moment, à tout clencher les épisodes, puis à s'en parler le soir. On faisait vraiment ça nous habitait, là. Ça c'est ça, on faisait des débriefings. On se demandait, mais voyons donc, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Joanie? Ah! Ah, ça n'a pas de sens, mais pourquoi ce yoga tantrique? Donc, on n'en revenait pas et on est revenu à Montréal parce qu'on a fait ça, on était à Québec. On est revenu à Montréal, on a appelé Amélie, il y a eu cette idée de podcast. Moi, j'en revenais pas que Solène m'écrive pour me demander de faire un podcast sur Occupation 2 parce qu'il faut dire que Solène et moi, on se connaît depuis plus longtemps là, que Rob. On a étudié ensemble, puis tout le monde rit de moi. Ouais, en théâtre, là. Tout le monde rien de moi, là, en 2010, bien, là, quand j'ai la dernière, fille de Exactement. Fait que quand elle m'a proposé ça, j'étais comme, ben oui, c'est d'une évidence même. Faisons un podcast sur Occupation 2, absolument. Puis là, je me sens libérée, mais ça a été le coming out le plus dur à faire de ma vie, là. Ben, Avec raison. Mais là, moi, j'ai été interpellée. Là. Vous êtes en train de me dire que Joël Legendre a déjà animé ce show-là? Longtemps. Éric Salva, je vais peut-être être endoctrinée. Yes, c'est avec Joël qu'on va l'avoir. Mais c'est pas Jay du Temple qui va t'attirer? Comment? C'est pas Jay du Temple qui va t'attirer? On en parle tout à l'heure. Mais sérieux, parce que vous êtes des fans finis, puis ça fait du bien de sortir du discours un peu intello-pédant de comme les gens qui checkent OD, c'est rien que des caves, parce que moi, je pense que ça peut vraiment être un cheval de Troie pour comme amener des idées radicales dans des soupers de famille, parce que un gros dénominateur commun au Québec, c'est Carl puis Andréanne. Fait que si tu te mets à parler de Carl puis Andréanne d'Occupation Double, tout le monde comprend ce que t'exemplifies, en fait. Mais on rit un peu là, de J. Du Temple, là, mais comme, tu sais, avant, là, comme mettons en 2012, là, OD, il y avait des mèmes sur Facebook, là, à l'époque du début des mèmes, genre, chaque fois que vous écoutez Occupation Double, un livre se suicide, comme, tu sais. Ouais. Parce que les gens étaient vraiment judgy encore de ça. Fait que je pense que. Ah, t'as pas aimé mon mème? Mais je pense que c'est ça. J'ai du temps, mine de rien, on peut et on va le critiquer, mais il a quand même amené, je pense, cette espèce de démocratisation-là d'OD quand même. Là. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est facile de regarder OD de haut parce que oui, il y a des hosties de jambon, cette émission-là, qu'on se le dise. Mais je pense que c'est surtout dénigré parce que ce qu'on présente, c'est du relationnel, en fait. Tu sais, parce que tu vois des gens, tu sais, c'est comme un incubateur de relations, puis tu vois des gens en relation, puis oui, des fois, genre, c'est sûr qu'ils ont l'air épais, puis ils sont choisis pour ça aussi. Mais aussi, il y a des choses qui sont intéressantes à discuter parce que ça reflète quelque chose au final. T'sais. Mais oui, c'est tellement rare dans la vie qu'on a les deux facettes d'une situation. Là, on voit la situation, on voit une personne débriefer sur sa situation, puis on voit l'autre personne aussi faire la même chose. Donc, on a les deux visions de... On a accès à la situation, puis on a accès aux paroles rapportées après ça des deux personnes. Attends, parce que après, dans la vie d'habitude... Attends, puis après, les autres en parlent aussi. Puis après ça, on a un dernièrement à occupation double, puis je veux dire, ça traîne toute la semaine, là. Enfin, du contenu hétérosexuel. Manquait dans la société québécoise. C'est super intéressant aussi parce que c'est une émission qui... Tu sais, on a accès, oui, à... En fait, le show, il n'y a pas de règles. C'est y a ça, aucune par exemple, règle c'est décalissant quand tu commences à écouter puis que t'es juste comme, OK, fait que finalement, c'est whatever goes. Genre, la prod, il décide au fur et à mesure, là. Il n'y en a absolument pas de règles, mais on voit que des candidats et candidates ont comme... dans leur groupe à eux, ils créent des règles puis des normes, puis c'est tout des sous-entendus et c'est super fascinant comme nous, comme spectateurs, de regarder de l'extérieur et comme essayer de nommer exactement qu'est-ce qui a mené une certaine décision. Et c'est là où tu as vraiment accès à quelque chose dans la société qu'on prend tous pour acquise, mais finalement, non. Si on le regarde d'un œil critique, c'est comme rien à une raison d'être, en fait. Mais c'est juste ces liens humains-là, ces relations humaines où eux, ils décident, ah oui, ça va être ça. Oui, c'est une gang de monde qui, en groupe, décide du mérite amoureux d'autres personnes. C'est récent parce que avant, dans le temps de justement Joël Legendre, Éric Salvaille et tout, là, avant, il y avait plus de hasard. Il y avait comme l'espèce de jeu de la bouteille ou comme les couples s'en allaient un peu n'importe comment. Là, maintenant, la prod est beaucoup plus comme impliquée dans les décisions. Ils manipulent plus. Et nous, c'est comme un running gag officiel. On dit tout le temps « La prod! » Ouais. Mais comme c'est vrai que maintenant, ils sont beaucoup plus impliqués dans les choix. Fait que c'est pas anodin non plus comment qu'est-ce qui se passe, là. Mais tu sais, je pense que c'est commun à presque toutes les téléréalités qui vieillissent. À un moment donné, nous autres, on a fait un podcast sur Drag Race. Puis tu sais, on est même affaire. La prod a décidé, rendu à la fin de la saison, alors qu'avant, c'était vraiment un free-for-all. Avant, la bouteille, il tournait ça, là, puis c'était comme n'importe qui, même si c'était pas des coupes déjà depuis le début, ils sont allés en voyage, puis comme, vous avez beau broyer, vous allez quand même y aller en voyage ensemble, la gang, tu sais, fait que c'est comme... Ça a vraiment changé depuis, là. Ce qui est hot aussi, c'est que Les Ficelles, c'est un podcast majoritairement queer. J'ai la statistique, c'est à 100% queer. Moi, je suis un bébé queer, comme on disait, 100% pareil! Fait que comment on consomme puis on commande de la télé qui est absolument, mais genre absolument pas fait pour nous en tant que personne queer? Alors ma réponse est très courte, on ne le fait pas. Just showed up just to be the mauvaise foi, genre. En fait, c'est qu'Occupation Double, c'est une émission qui est tellement écoutée. C'est comme écouter... Je fais ce bon vieux parallèle, mais c'est comme écouter le hockey au Québec. Là. C'est tellement écouté, puis ça cible tellement un public aussi très, entre guillemets, féminin. Là. Donc, ça veut tellement séduire une certaine tranche de la population, mais c'est tellement pas féministe qu'on s'est demandé mais quel était ce phénomène social-là. Puis on s'est dit... Puis en fait, Occupation Double, pour nous, c'est un prétexte. On a l'impression officielle que, en fait, on peut prendre n'importe quoi comme prétexte, l'analyser suffisamment, puis vraiment en tirer parler de plusieurs sujets, comme au Ficelle, on a abordé tout récemment la psychophobie, la compersion, c'est quoi d'été en 2020. Donc, il y a plein de sujets comme ça qu'on aborde grâce à cette télé-réalité. Oui, il y a même un épisode sur les territoires autochtones, je veux dire. Mais oui, on a... C'est quand même vraiment intéressant de partir d'Occupation Double puis de parler de néocolonialisme après ça, ou de colonialisme point. Complètement, donc ça nous permet plusieurs croisements. Oui, puis ce qui est super intéressant aussi, c'est supposé d'être une émission qui représente aussi... Un peu comme tous nos objets culturels aussi au Québec puis ailleurs, mais c'est supposé là, comme nous représenter puis être du monde vrai qui vient de notre communauté, de notre ville, ça pourrait être ma voisine qui finalement est dans le show. Mais c'est tellement... Ces gens-là, finalement, ils représentent tellement peu de la population et on est tous demandés à comme muscler un peu notre imaginaire puis imaginer que je pourrais être dans la position d'une Andréane qui tombe en amour avec un Carl ou je sais pas. T'sais, mais finalement, c'est quelque chose qui représente personne. Et nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est de venir... C'est une fabrique à lifestyle, à genre vendre du lifestyle, toutes leurs commanditaires aussi, c'est genre... impressionnant. Puis aussi, tu sais, je trouve que comme queer, moi je regarde ça, genre, avec que des amis tapettes, genre. Puis c'est aussi un truc d'observer l'hétérosexualité, en fait, ou l'image que les gens en font, ou comme, tu sais, c'est quoi le glamour autour de ça. Puis c'est drôle quand même, là. C'est comme les gens qui sont obsédés par péter des boutons. C'est comme ça que je le vois. Excellente métaphore! Moi, j'ai un ami qui dit que c'est genre, ça vient nourrir sa fascination malsaine pour l'hétéronormativité. Ouais, comme, ouais, c'est vraiment ça, comme je pense. Puis toi, Amé, tu disais, t'es bébé queer, c'est-tu OD? T'as-tu dit, là, j'en ai assez de l'hétérosexualité, non, je suis maintenant queer? Moi, j'ai vraiment été socialisée hétérosexuelle à 100 000%. Mm-hmm. Je suis une petite fille de Valleyfield, puis comme, tu sais, ça existait pas, là, genre ça, quand j'ai grandi. Fait que, tu sais, OD, c'est sûr que ça a nourri mon imaginaire longtemps. Fait que, non, c'est pas OD qui a déclenché oh. Oui, c'est ça, ça parce que... Mais c'est plus les ficelles, je pense, en fait. C'est toutes les conversations qu'on a eues à travers les années qui ont fait en sorte que, genre, j'ai décidé que c'était correct d'être une late bloomer, ben oui. Puis d'être ben oui. Genre late avoir OD as your root, ça nécessiterait beaucoup d'explications, là. Puis c'est ça, puis c'est aussi dans le but de démocratiser le féminisme. Le féminisme, c'est pas une gang de personnes qui réfléchissent dans une université à la porte fermée. Là. Ça appartient à tout le monde. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en créant ce podcast-là, au début, bon, on s'adressait vraiment à notre gang d'amis, à des gens qui ont jamais écouté OD, à des gens qui ont toujours écouté OD sans nécessairement se poser des questions concernant le féminisme. Mm-hmm. Donc, on s'est adressé finalement à plein de personnes différentes. Il y a même une gang de personnes qui travaillent en construction qui nous disent qu'ils l'imposent sur leur chantier. Donc, tu sais, il y a vraiment plusieurs personnes qui nous écrivent et c'est extrêmement touchant de voir que Occupation Double, finalement, c'est une porte ouverte pour des questions, pour apprendre. Ben, par exemple, il y a plein de gens qui savaient pas non plus ce qu'était le terme queer, donc on l'a expliqué aussi. Là, ça fait comme, c'est notre troisième saison, plus on a fait une saison pendant le confinement, mais c'était moins sur OD. Là. Notre troisième saison sur OD, puis comme tu sais, au début, c'était comme, on expliquait la masculinité toxique, puis les gens savaient pas trop c'était quoi. Puis maintenant, on peut aller beaucoup plus loin aussi, parce qu'on a établi ces bases-là à travers les années, puis on n'est pas nécessairement obligé de tout le temps répéter les mêmes choses, tu sais, les gens nous suivent là-dedans. Pis ça vient d'un endroit, tu sais, on a du fun. Ça vient d'un endroit où on a vraiment un plaisir à écouter cette émission-là. Ouais. On se dit, crime, on n'est pas, personne n'est pur dans la vie, puis évidemment, là, on fait affaire avec... mis à part Jess. Tellement pas vrai. Non, mais tu sais, mais on s'accorde des divertissements dans la vie. Occupation Double en fait partie, puis mon Dieu, on n'a pas de honte par rapport mais à ça. Mais fuck that, ces catégories-là sont tellement déterminées de manière patriarcale. Là, c'est tellement les trucs qui sont comme plus basés sur genre du relationnel ou des trucs qui intéressent les femmes qui sont comme de la moins haute télé, tandis que tu sais genre les films pourquoi ça serait plus Oscars, chic des réalisateurs gars qui ont fait un film de guerre qu'ils jouaient avec le caméra plus patente en un seul plan avec le genre vraiment plus élaboré que genre. Donc on commence notre campagne pour les OD aux Oscars. Yes. OD queer, not enough, on veut des Oscars. Ah ouais, on va les avoir. On va y revenir plus tard de manière un petit peu plus spécifique, mais on entend beaucoup jaser sur le fait que, mettons, depuis l'année passée, on va dire, en tout cas, moi, je comprends, en tout cas, Occupation Double tente maladroitement de s'actualiser et d'introduire son public à de nouvelles réalités. Bon, nouvelles réalités quand même assez soft. Est-ce que c'est réaliste de s'attendre qu'OD puisse devenir un genre de vecteur de changement social ou est-ce que, selon nous, hein, on a parlé de la prod tantôt, est-ce que selon nous, c'est plus du marketing? Alors, Robin, elle se peut plus. Mais moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, en fait. Puis je pense que le plus que je réfléchis à cette question-là puis que nous, on la réfléchisse ensemble, je pense que la réponse est « sort of ». Ouais. Après, je me réflexe. Voilà. Mais le problème, en fait, c'est oui, la prod, ils peuvent insérer n'importe quoi dans le show. Ils peuvent, tu sais, on a voyagé dans les terres autochtones. On a, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait cette année. Il y avait une femme grosse qui était représentée. Ouais. Il y avait beaucoup plus de diversité aussi, c'est corporel, des différentes personnes de couleur autour de la table aussi. Mais il reste que Oui, effectivement, OD, ils veulent vendre. Ouais. Puis, tu sais, à chaque fois qu'on voit une personne... C'est pas un organisme caritatif. On m'a mal informé. C'est dans les mains de Production J, c'est-à-dire, pour ne pas la nommer, là, ben, Julie Snyder. Ouais. Elle a des bonnes intentions, mais tu sais, comme une femme de 50 ans blanche privilégiée. Ouais. Puis, un peu comme tout, c'est un peu comme un système de santé où c'est, qui est privé, c'est la même chose. T'sais, on peut pas tout à fait faire confiance à ce genre de trucs parce que à la base, le but, c'est de faire de l'argent. Fait que, ouais. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? OK, ça c'est mon bout. j'étais un peu perplexe quand on dit que... Je me reprends, OK? Je vais juste dire une affaire en premier. Je trouve ça vraiment difficile de dire ça c'est utile, ça c'est pas utile, quand on parle de lutte sociale, queer, whatever. Fait que tu sais, faut vraiment pas rentrer dans un discours de « ça sert à rien, parler d'OD, on le sait pas. » Oui, parce qu'on veut être représenté aussi, on le veut, là. Mais oui, il faut additionner les discours. L'étincelle, là, quand tu parles puis tu vas allumer une idée chez quelqu'un, tu ne sais pas jamais vraiment il est où, mais j'ai un peu l'impression que c'est une conversation qui finit jamais. Tu sais, on va parler de du temps tantôt, mais comme, est-ce que le changement social, entre guillemets, qu'on voit dans OD, c'est un vecteur de changement ou c'est un résultat des luttes? Parce que des fois, je trouve qu'on en parle comme si c'était un remède à des problèmes qu'on pourrait avoir, mais moi, je suis comme non, c'est une concrétisation de ce que nous, on fait en background. C'est qu'ils ont acheté, ils achètent, c'est le capitalisme, en fait, qui serait comme, excusez-moi de la référence geek, là, mais ce serait comme une succube sur le dos des queers. Ouais. Là, t'sais, qui, Puis je pense qu'on oublie aussi à quel point, tu sais, OD aussi, oui, c'est écouté par nous, puis je pense qu'on a comme à peu près 30 ans, tout le monde-ish, autour de la table. Moi, j'ai 22. OK. Ouais. Puis, ouais, évidemment, là, évidemment, excuse-moi. Mais aussi, c'est des enfants, tu sais, il y a des enfants de 11, 10, 14 ans qui écoutent ça, puis on sous-estime à quel point ces générations-là, ils sont vraiment comme un peu plus fluides dans leur sexualité, puis dans leurs envies, puis dans qu'est-ce qui est cool, tu sais, puis... OD, oui, ils essaient, avec Julie Snyder à la tête de ça, là, elle essaie d'être jeune, puis elle essaie de plaire à ces jeunes-là pour qu'ils aillent chez Couche-Tard après acheter des bonbons comme ils ont mangé dans le show. Moi, je trouve que c'est fait pas mal sous la contrainte, en fait. C'est que c'est pas un truc de « on va aller out of our way pour être à l'avant-garde », mais plus de comme « ça paraîtrait vraiment mal si tout le monde était skinny and white ». T'sais. Fait que... T'as-tu regardé la dernière édition du Gala Artiste? Oui! Je pense pas qu'il y a une honte au Québec par rapport à ces sujets-là. Non, mais en même temps, tu sais, je pense que moi, ce qui vient me choquer, c'est que, genre, il y a des personnes de couleur, mais on s'arrange pas, on veut pas voir une personne de couleur gagner, on veut juste qu'il y en ait. Genre, il y a une femme grosse, mais genre, on veut pas une femme grosse qui gagne, on veut juste qu'il y en ait une qui soit là, tu sais, fait que... Il y a une femme grosse, puis on prend juste des dos de la construction qui, clairement, vont jamais oser s'afficher avec une femme grosse en public, puis on essaye de se dire que c'est correct. Puis aussi, c'est quoi le statement, genre, quand s'il y en a juste une? Je suis comme, tu sais, fais un OD all size, puis là, ton statement est là. Puis tu sais, comme ça, t'as pas aussi, pas juste du monde gros, mais aussi juste des gens qui ont comme des corps pas nécessairement sculptés, puis juste comme, tu sais, c'est ça, tu sais. Ça, oui, puis que ça soit réellement représentatif, en fait. Si c'est supposé d'être monsieur et madame tout le monde, c'est pourquoi pas être réellement ça? Mais pourquoi les gens le regarderaient, là? Les gens le regarderaient! Mais c'est ça, je me demande s'ils le regarderaient. Parce que je pense qu'il y a quand même comme une espèce de haine intériorisée là, que les gens, ils ont à comme regarder parce qu'on est tellement... On est tous, je sais pas, on le dit souvent, mais moi, personnellement, quand je regarde le film, le gros film « Violence à la guerre » et tout ça, je suis quand même apte à me placer à la place de l'héros de cette histoire-là. Puis c'est comme normal pour moi de penser toujours que je suis un homme blanc hétérosexuel. Et je m'insère dans cette histoire-là de cette façon-là. Parce que, tu sais, comme moi, l'exemple que je donne tout le temps, c'est moi, j'ai un ami qu'on va appeler Léo.J. Puis... À chaque fois qu'il y a un événement politique, là, mettons, là, il y avait le débat sur l'utilisation du mot en haine, on peut-tu pas. À un moment donné, c'était Black Lives Matter, à un moment donné, c'était les dénonciations. Puis à chaque fois qu'il y a un débat, il faut tout le temps y réexpliquer les mêmes principes de base. Il arrive tout le temps avec des questions, comme si on n'en avait jamais parlé, que c'était un tout nouveau cas. Puis autant je pense que c'est important de commenter ce qui se passe dans l'actualité, parce qu'on peut pas juste rester silencieux et silencieuse, puis dire oh, « ouais, faites ce que vous voulez, nous autres, on est en queer, la vie est belle », ça marcherait pas vraiment bien. Mais j'ai un peu l'impression que c'est ça qu'on fait souvent quand on s'attaque à des trucs culturelle mainstream. J'ai un peu l'impression qu'on recommence encore la conversation. J'ai d'autres exemples avec J. Dutemps tantôt. Là, on va en parler. J'ai assez hâte. Mais je comprends cette vision-là, mais je suis pas sûre de croire, moi. En fait, je ne crois pas au grand public. Je crois pas qu'on puisse en créer, parce que je fais de la mise en scène dans la vie. Ouais. Puis, en créant, en faisant des spectacles, moi, je me dis jamais, ah oui, je vais faire ça parce que ça va être plus punché, les gens vont plus aimer ça. Les gens, là, ça existe pas. Il y a pas une seule façon de recevoir un spectacle, ouais. Comme il y a pas une seule façon de recevoir un objet culturel. Puis, on n'est pas non plus, on prend pas les gens par la main. Oui, des fois, bon, on explique certains termes, on y va d'une conversation comme on pourrait avoir dans notre salon, là, puis on reçoit des messages surtout positifs, en fait, là, sur des conversations qu'on peut avoir, puis les gens nous suivent. Je sais pas, tu sais, on n'est pas non plus... j'ai pas envie d'être hautaine, j'ai pas envie de dire on va vraiment abaisser nos sujets pour que les gens puissent nous suivre. T'sais, à la limite, je sais pas, ben les gens en parlent, ça fonctionne. Puis on n'est pas toujours d'accord non plus. Non, c'est ça. Cette saison-ci, je pense, on n'est pas complaisante entre nous. Des fois, on s'interrompt ou on se dit ah non, je suis pas d'accord. Non, on n'est pas la voix du féminisme. Ouais, là, on est plein de féministes différentes. Mais est-ce que tu penses que... Ouais, mais nous, on est président et présidente de la communauté. Nous, on peut s'exprimer au nom de... Ah non! Mais est-ce que tu penses que OD, comme les gens à OD, ils ont la même vision que toi, Solène, sur les gens? Non, moi, je pense pas. Mais je le sais pas. En fait, si c'est ça qu'on vous donne à manger, vous allez l'écouter, puis peut-être que vous allez pas l'écouter pour les bonnes raisons, puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez comprendre que votre façon de regarder est déconstruite tranquillement, puis vous allez apprendre à aimer vos propres défauts que vous plaquez sur les gens. Donc, je crois vraiment à ça. Puis tu sais, comme la façon dont on s'est mis dans OD, c'était la même chose avec Kate Lessard la saison passée. Yes, I remember quelqu'un qui passait un double. Tu sais, comme c'était super présenté comme c'est une femme trans, mais c'est un secret, ils vont le savoir plus tard. C'est très dramatique. Puis tu sais, ils throw tout le temps une pépite de changement social. Puis c'est un peu ça que je trouve problématique, parce que je pense que c'est ça qu'ils veulent, être un vecteur de conversation. Après ça, est-ce que t'es un vecteur de changement? Est-ce qu'à chaque saison, on a... Ouais, tu fais parler de toi, mais est-ce que... Moi, je suis plutôt d'accord avec toi que je pense que Kate Lessard, c'est genre la OG vecteur de changement pour la prod, parce que c'est pas la prod qui ont choisi que Kate Lessard rentre dans OD, on s'en rappelle, était le coup de cœur du public, comme ils l'ont rentré. C'est le public qui avait voté pour elle, on s'en rappelle. Fait que je pense que là, peut-être qu'ils ont commencé à réaliser, OK, le public veut voir une femme trans à OD, ben on va comme genre... C'est capitaliser là-dessus. Est-ce que le public veut voir une femme trans à OD ou du drama autour d'une femme trans à OD? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus la fanbase qui l'a voté. Je vois pas pourquoi. T'sais, en tout cas, pour avoir fréquenté longtemps des hommes cis hétérosexuels blancs, j'ai pas l'impression que ces gens-là votent. T'sais, j'ai pas l'impression que ces gens-là vont se rendre au point de voter. Ouais. Ils vont chialer beaucoup. Mais est-ce qu'ils vont vraiment se rendre sur le site de Novo puis dépenser du temps et de l'énergie pour voter juste pour créer de la bisbille, pour reprendre le langage à Jay? Mais... fait que moi, j'ai l'impression que c'est plus vraiment la fanbase. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les filles, mais... Oui, moi je suis d'accord. Parce qu'on a parlé aussi de queerbaiting, c'était vraiment un nouveau terme là, pour moi dans ma vie, découvrir ça, puis j'ai trouvé que ça s'appliquait aussi à Julie, parce que j'ai beaucoup d'amis dans la communauté grosse de Montréal, c'est que tout le monde s'est mis à écouter OD parce qu'il y avait une fille grosse à OD, puis c'était vraiment comme le même phénomène qui s'est reproduit, fait que je pense vraiment que c'est... Puis on pense que Julie va être le coup de cœur parce que tout le monde a voté pour elle. Pour le meilleur ou pour le pire, ouais, Amélie, tu l'as dit, ils capitalisent là-dessus. Donc après, c'est sûr que l'ADN d'OD ne sera jamais progressiste. Non. C'est-à-dire que ça reste un TV show où, en fait, toutes les décisions sont prises par un groupe. Souvent, les décisions de groupe comme ça, tu y vas souvent vers la norme. Tu vas justifier ton choix avec des trucs que tu as intériorisés depuis ton enfance. Puis souvent, tu vas prendre ou tu vas vouloir être vu en public avec une personne qui correspond plus aux normes sociales. Donc, c'est sûr qu'OD, ça va toujours, en ce moment, la forme actuelle va toujours vers ça. T'sais. C'est des décisions qui vont toujours alimenter la norme. Oh, oui, mais je comprends ce sentiment-là. Moi, je refuse d'être vu avec Charlie en public. Ah! Ok, madame, je trouve que ça fait trop longtemps qu'on tourne autour du pot. Moi, je m'en peux plus. On peut-tu adresser Julie de Chicoutimi qui a été catapultée dans le show malgré qu'elle ne corresponde pas aux standards physiques normalement attendus des candidates, étant grosse? Qu'est-ce que vous pensez de sa trajectoire sur le show, en fait? Stellar. C'était bon, là. Toi qui as vu. En fait, Julie, là, je pense qu'elle est allée sur le show. Ben là, je reprends ses dires. Elle est allée sur le show pour trouver un fermier. Comment elle l'appelait? Un chasseur-cueilleur. Un mâle alpha. Elle écoute Audé depuis longtemps. Mais là, c'est l'amour et dans le prix qu'elle cherchait. Là. Oui. Mais bref, elle écoute Audé depuis longtemps. Elle a fait ses auditions. Elle est super contente d'avoir été choisie. Puis elle venait pas avec un, entre guillemets, message. Là, tout le monde, elle arrivait de même, pure, et j'ai juste envie d'aimer, j'ai juste envie de frencher, c'est la COVID, ah ouais, donc pourquoi pas aller dans une maison... C'est la seule place qu'on peut frencher, occupation à de pendant la COVID, c'est aussi bien d'y aller qu'on laisse, on est toutes confiantes. Puis là, elle se fait dire par les autres candidats, pas d'une façon insidieuse, genre vraiment clairement, elle se fait dire, mon Dieu, mais je suis contente que tu sois là pour ton message, le message que tu as apporté. Là, elle commence à comprendre, OK, elle va plus en date, OK, les gens, la friend zone sans arrêt. Ouais, puis simultanément aussi, les gars lui disent carré, genre, ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, moi, j'accorde de l'importance au physique. Pas genre, t'es pas mon genre, puisque j'accorde de l'importance au physique. Ton physique est sans importance, c'est ça. Ça et que ton physique, ben, je dis, universellement, ne pourrait être considéré comme attirant, c'était juste comme damn. Moi, j'en ai déjà parlé au officiel, tu sais, mais comme moi, quand j'étais plus jeune, ça m'est déjà arrivé de me faire dire, genre, ta personnalité est fourrable, c'est plate que t'aies pas le corps d'une de tes amies. Puis oh, moi, pendant toute la trajectoire à Julie, c'est ça que tout. En tout cas, là, je veux pas me prononcer au nom de toute la. Je veux pas me prononcer au nom de toute la communauté des Fat Babes de Montréal, mais mettons le feedback que j'ai eu, puis le mien. C'est que vraiment, c'était la reproduction de tous les traumatismes de toutes les grosses au Québec, qui se sont fait dire ça pendant des années. Puis que Chris, on n'est pas capable de faire des pas, tu sais, on essaie d'avancer, mais finalement, comme il nous plaque quand même cette espèce de cliché-là, de la toutoune sympathique, il n'est pas capable de fourrer quand, comme pour vrai, genre, mettons, pré-COVID, je fourre, là, dans la vie. Tu sais, comme, jamais eu vraiment de la misère à fourrer. Fait que je suis comme, voyons, comme, arrêter de faire semblant que, comme, les personnes grosses n'ont pas, comme, de vie sexuelle, que tu peux pas, comme, pogner, en grosses guillemets, quand t'es grosse. Ça fait pas de sens, là. Mais est-ce que tu penses que, genre, une fille grosse avec des politiques, genre, on point, là, qui aurait pu, comme, répondre, puis, genre, se défendre politiquement, ça aurait passé à OD, qu'il aurait pris, genre... Comme si elle avait le vocabulaire, en fait. Oui, c'est parce ça, que... si elle... Moi, je rêvais qu'elle prononce le mot grossophobie à OD, puis ça n'a jamais été prononcé. Puis après ça, comme, ça m'est déjà arrivé, parce qu'elle, son message, c'était vraiment, genre, moi, je veux qu'on m'aime, comme... Même si je suis grosse, je veux qu'on m'aime. Puis moi, j'étais comme, yo, le message, c'est pas ça. Le message, c'est mon corps est beau. Comme t'as pas à m'aimer malgré, tu dois m'aimer avec mon corps. Puis je l'ai interpellée sur Instagram. Ah ouais, be the change you want to see in the world. Oui, mais j'ai dit exactement ça, tu sais, allô Julie. Mais pas comme pas aussi militante que j'aurais voulu, mais comme juste gentille, tu sais. Puis elle m'a répondu de la merde, là. Tu sais, la fille, elle a pas de message politique, vraiment, là. Tu sais, elle est pas allée là-bas avec comme une espèce d'impulsion de faire avancer la cause pour la grossophobie. Je doute même, est-ce qu'elle connaît comme c'est quoi les luttes comme des femmes grosses puis de la grossophobie? J'en doute, honnêtement. T'sais, fait que... Oui, puis qui est tout à fait correct. Pourquoi pas? Elle peut pas juste participer à OD comme une c'est juste personne. On lui impose comme une espèce d'existence politique quand elle veut juste se trouver son chasseur-cueilleur puis vivre à Chicoutimi puis aller faire du skidou. Moi, tu vois l'affaire avec l'histoire de Julie, parce que bon, il y a beaucoup de monde qui en a parlé quand même, puis je veux pas fesser tout le temps sur le même clou, mais bon, les gens le savent, j'écoute pas Occupation Double. J'ai amené les opinions que j'avais pour aujourd'hui, puis c'est ça qui va se passer. Mais comme, j'ai un peu l'impression que quand on s'attache à l'actualité, on oublie tout le temps l'actualité d'avant. Puis là, tout le monde a une discussion sur Julie, Occupation Double, on parle grossophobie, comme si on n'en a pas parlé pendant 6 mois avec Safia Nolin l'année passée, tu sais. C'est là où je trouve comme, c'est important d'avoir la discussion. C'est d'ailleurs très triste. Moi, je savais pas que Julie n'avait pas un message puis qu'elle l'ait fait comme imposé. Bienvenue à Occupation Double, t'es la porte-parole des Fat Babes. Par les femmes, ça doit aussi, être hein, vraiment lourd, là. Par les candidates, parce que les candidates aussi essayaient comme de l'espèce de l'encourager en disant comme, tu sais, genre, une bine sur l'épaule. Mais t'as ton beau message! Ben oui, c'est ça! Tout le monde te dénigre depuis, genre, semaines. Tout le monde te rabaisse, mais Chris, ton message! Ouais, puis t'as des filles qui ont l'air des hosties de model avec des tailles de guêpe puis genre des alimentations mammaires qui disent genre, oui, mais t'as tellement un beau message. Mais non, mais en plus, c'est parce que Julie, tout le monde se fait rejeter dans la vie. Oui, Nadé, qui est partout sur le site de Simon, dans les étant une modèle, tu sais, je veux dire, à un moment donné, genre, les gens, comme, tu sais... Oui, parce que pour être noire, pour être une personne de couleur à OD, il faut être une mannequin, là. Oui, ouais, absolument, là, parce qu'il en prenne... Ah ouais, tandis que, genre... À moins que l'année prochaine, ils décident de cocher 4 cases en même temps, puis là, on a une femme noire, lesbienne, qui est grosse, puis... Là, OD... Hey, ce serait beaucoup trop, voyons. C'est le grand soir. il y avait beaucoup, je pense que cette année surtout, on a vraiment vu beaucoup la notion de privilège à OD. Justement, je pense à cause qu'ils ont essayé d'injecter de la diversité comme tant corporelle que culturelle. Là. Je pense que cette année, vraiment, c'était vraiment une démonstration des privilèges qui sont comme aussi à l'œuvre dans la vraie société. T'sais, moi, j'aime bien voir OD comme une espèce de microcosme de la société comme québécoise, puis je pense que c'était vraiment comme... Oui, je pense que ça faisait partie de leur bible cette année, de leur plan d'action, là, ne serait-ce qu'en mettant, là, pour les personnes qui écoutent pas Occupation Double, ne serait-ce qu'avec le concept cette année, bon, il y avait la maison des filles, la maison des gars, et la maison mixte. Donc, cette maison mixte-là, c'était des gens, des personnes, des candidats et candidates qui étaient choisis dès le départ pour être là, et là, tout le long, tu pouvais avoir un défi pour gagner ton accès à la maison mixte où tu avais des tas de privilèges, où tu faisais des voyages en hélicoptère, tu arrivais sur des terrains, tout le monde était habillé en beige. Là, c'était vraiment comme la clique select. Ouais. Les Daily Queen, là, tout le monde avait hâte d'avoir son lit queen. T'avais la maison, c'est ça, des gueux, puis la maison des gueuses, puis la maison mixte. C'est vraiment comme ça qu'ils l'ont décrit, ouais. Bon, ben sur ça, on va aller se chercher un café de gueux. Ouais, on va faire un haut défi pour gagner un frappuccino de luxe au Starbucks. qu'on va boire dans la maison mixte parce que je suis non-binaire. Que... Ah ouais. Et on revient overcaféiné. J'arrive, maison mixte, j'arrive! Fait qu'on est revenu de notre haut défi paintball que j'ai fièrement gagné. Ouais. Les autres, tout comme ça s'est passé quand il y avait un haut défi paintball avec Carl, étaient juste contents d'avoir participé avec un grand sourire détempé. Ils ont fait un épisode paintball. Ils font des affaires, là, des fois. Je suis juste comme. Pour vrai, tu sign up pour OD, tu sign up pour absolument tout et n'importe quoi. Mais genre, ils peuvent te faire faire le. Écoute. Joël Legend était sur le show. Les hétérosexuels peuvent faire des activités le fun. My God. I know, girl. C'est pédagogique. Fait que depuis la dernière saison d'OD chez nous, qui devait être OD Brésil, mais qui s'est fait revirer de bord par la COVID-19, les looks de Jay du Temple font beaucoup jaser. Vernis à ongles, cheveux couleur pastel, même une robe à un moment donné. Les références à des esthétiques queer ou gender bending pullulent. And God knows que tellement d'encre a coulé au sujet de Jay, de ses looks, de sa masculinité prétendument non toxique, et bien sûr autour de l'appropriation de l'esthétique queer, on en a parlé pas mal. Au même moment où Jay Dutemps fait le cover du Duel Québec avec son vernis et ses cheveux pastels, Harry Styles aux États-Unis, premier homme cis à faire premier homme point à faire le cover du Vogue aux États-Unis, en robe aussi. Le sujet des hommes cis-straight, donc représentant des masculinités dites alternatives, sont désormais sur toutes les lèvres, tant au Québec qu'en international. Là, le fuzz est un petit peu passé. Là. Je pense que la poussière est retombée pas mal. C'est quoi nos réflexions sur l'impact culturel qu'a eu la publication d'images comme celle de Jay Dutemps sur Elle Québec? Je commence avec Charlie. Oh my God! Pour vrai, les gens se pouvaient plus. Puis moi, tout le long, j'ai quand même un truc de genre... Au final, moi, je l'aime bien, Jay, tu sais. Puis je trouve que il est dans sa personnalité, comment il agit, il est très grand public. Il est capable de comme, porter un message alternatif un peu soft puis que ça passe bien. Mais ce qui me fait chier, c'est que justement, parce que c'est Jay Dutemps puis que tout le monde l'a vu avec ses cheveux longs et sa barbe avoir l'air d'un gars qui allait te mansplain comment qu'on fait une double fermentation d'une IPA, genre, puis que là, il se met à avoir un look un peu edgy, un peu plus féminin, mais genre, pour vrai, gang, revenons-en, là. Il a passé de la IPA au kombucha. Mais tu sais, pour vrai, des cheveux pastels, là, Frank Ocean, il faisait ça en 2016, là. Tu sais, comme ça fait longtemps qu'on voit ça, c'est rien de nouveau puis de groundbreaking. De toute façon, t'as-tu déjà vu les photos de David Bowie en 70? Mais non, mais c'est ça aussi, tu sais. Fait que là, moi, l'espèce de comme never seen before, et je suis comme, ben non, vous aviez juste jamais vu un gars qui avait cette présentation de genre-là changer de style puis l'assumer dans une émission grand public. Puis c'est pas une mauvaise chose, je trouve ça nice. Puis pour vrai, son esthétique, je le trouve beau. Genre, je trouve que he actually looks good. Puis j'aimerais ça avoir ce super pouvoir-là de ne vivre aucune attirance sexuelle pour Jay Dutemps, mais malheureusement, non. Ah, don't get me wrong, you can sit on my dick every night. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tant qu'il parle pas. Mais pour vrai, le truc, c'est que. Il y a aussi, tu sais, les gens insistent beaucoup sur comme le message qu'ils portent avec aussi ces looks. Puis des fois, je suis juste comme, ben, tu sais, est-ce que c'est. On frappe-tu si fort que ça, tu sais? Genre, je trouve que les looks sont pas tant edgy. Puis, je sais pas, genre, Pierre Lapointe, là, mettre des affaires avec des motifs pas d'allure, puis genre des trucs. Il faisait tout le temps, mais quand t'es gay, on s'en calisse, tu sais. Je trouve qu'il y a un truc de parce que Jay est était so fucking ouais. straight, puis que là, il a pris un virage, là, tout le monde capote. Mais genre, moi, Denise Bombardier, j'ai rien qu'à exister, puis elle écrit des messages de haine, genre, en tribune. Tandis que là, comment ça se fait que la droite, elle a pas, comme, pété une fuse que Jay Dutombe fasse ça? Parce qu'il avait déjà gagné leur respect, tu sais. Fait que ça me fait un peu chier qu'il y ait comme un narratif de pour pouvoir, genre, avoir un message de masculinité non toxique alternative avec, genre, des esthétiques flyées, il faut comme que tu gagnes un respect avant, parce que si tu le fais d'ores et déjà, comme, mettons, Hubert Lenoir, ben là, c'est le freak show, puis là, t'as pas d'allure, on n'arrive pas à te lire, puis on n'arrive pas à te placer dans une case, tu sais. Ben moi, Jay Dutombe, pour moi, he can do no wrong, là, genre, j'en l'ai souvent dit, genre, je l'aime vraiment beaucoup, puis je pense, parce que je pense que j'ai l'impression, j'y ai beaucoup pensé, là, en venant ici, parce qu'on en a pas parlé officiel encore, c'est la première fois qu'on jase de ça. Je pense qu'on essaie de faire porter comme un message qu'il veut pas porter, Jay Dutombe. Un thème récurrent à OD. Non plus, parce que les gens, tu sais, ont beaucoup dit, genre, ah, Jay Dutombe, maintenant, il veut porter ce message-là, il veut, comme, s'approprier la culture queer, mais... Moi, j'ai pas saisi ça comme ça. Moi, j'ai saisi que c'est un gars qui a décidé qu'il allait jouer avec son linge. Puis là, Elle Québec a fait comme « toc, toc, ouais. on s'en vient te chercher ». Puis après ça... Puis c'est vrai que son fashion est bon, pour vrai. Puis oui, puis est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce qu'un magazine mainstream comme Elle Québec... Je pense que c'est la même chose que Julie Snyder. Je pense qu'ils font beaucoup d'efforts. T'sais, ils ont des bonnes intentions, mais... L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils sont comme pris dans leur engrenage aussi de... Ils sont un magazine mainstream ouais. que capitaliste, en bout de ligne. Il y en a de la pub dans le Elle Québec. Je veux dire, c'est pas un organisme à but non lucratif. C'est le fait qu'on en fasse un super-héros. C'est comme un père qui laisse pas son enfant après... je sais pas. C'est comme un père qui élève son enfant... qui devient les parents impliqués, super pouvoir. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je compare ça à genre des gens qui sont fâchés la journée des élections, qu'on est en train d'élire un premier ministre. Évidemment qu'on va pas virer anarchiste du jour au lendemain. T'sais, c'est comme, c'est dans le système. T'sais, fait que Jay Dutombe, moi, je pense qu'il est juste comme... Il essaye un peu de réformer à l'intérieur. T'sais, moi, c'est l'espèce de parallèle que je vois. Puis au final, il a la tribune. Fait qu'il prenne ce virage-là, moi, je trouve ça bien mieux que qu'il ait encore l'air du gars qui va te mansplain comment fait on installe avec sa tribune. C'est mais très oui. softcore. Non, c'est soft. Il pourrait rien faire aussi. T'sais, là, je veux dire, il a quand même fait des efforts. Je pense que à OD Extra, entre autres, il donne, c'est sûr que c'est plat que ce soit à OD Extra, comme l'émission après la vraie OD. T'sais, mettons, il a invité l'actrice autochtone, Jamie Échaquan Dubé. Je pense qu'il fait des efforts, Jay, mais c'est juste qu'il est pris dans cet engrenage. Rita Baga est allée à OD aussi. Il y a des trucs cool qui se passent. On parlait de, justement, elle qui est pas un organisme à but non lucratif, mais pour elle, Sophie Banfard... Moi, je connais des gens qui travaillent là-bas, puis je pense qu'ils font vraiment beaucoup... Tu sais, je pense qu'ils font le plus qu'ils peuvent. Mais les commentaires de la rédac en chef, là, j'étais comme, « Hey, madame, là, il y a des temps où on peut faire le choix de se taire. » Puis juste comme... Ses formulations, des fois, étaient comme... attends, qu'est-ce qu'elle a dit? « Elle ne croit pas que l'éditorial publié la semaine dernière emprunte une esthétique propre aux communautés LGBT+, mais estime qu'il s'agit plutôt d'une, entre guillemets, « évolution de la mode ». Ce serait comme de dire que seules les femmes peuvent porter du vernis et que les personnes queer empruntent ce style. Non, ce sont des barrières qui s'enlèvent, une ouverture, une fluidité qui s'observe dans tout. J'étais comme, hey Sophie, là, tu vas pas me, genre, head-splain comment, genre, ça se gère la culture queer, puis de comme, oui, of course, les queer empruntent des codes de féminité justement pour flag la queerness, mais c'est pas, tu sais, comme, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'étais comme, elle était obviously clueless, tu sais. Puis en même temps, genre, est-ce que je m'attendais à autre chose? Non, mais je trouve qu'il y a quand même un espèce de courant, c'est surtout chez Teen Vogue, puis genre ces éditorialistes, les rédactrices en chef, de vraiment ajouter du contenu plus politique et militant, tu sais. Puis j'ai un peu cru que ça aurait été ça avec elle, puis j'ai été laissée sur ma faim, tu sais. Mais tu sais, moi, je me dis, si ça fait en sorte que des jeunes garçons, tu sais, j'ai une amie qui son fils, il a 9 ans, puis il a toujours eu envie de porter du vernis, puis là, maintenant, il le fait parce que Jay Dutombe le fait. C'est vrai! Tu sais, si ça sert à, comme, cette génération-là, parce que Jay est quand même très, très populaire dans les écoles, tu sais, puis tout, tu sais, si ça sert à ça, Chris, pourquoi pas? Effectivement. Je pense que c'est peut-être ça, genre, qu'il fait, tu sais, au lieu de, comme... J'ai l'impression qu'on pense que ça s'adresse à nous, qu'est-ce qu'il fait, mais ça s'adresse pas nécessairement, je pense, aux gens qui sont déjà politisés puis qui veulent avoir un message. Je sais pas, je suis vraiment comme à cheval dans tout ça, moi. Oui, puis c'est sûr qu'on a besoin de modèles. Tu sais, on cherche, on dit tous, hey, c'est de la merde, ça marche pas, cette masculinité-là, ça nous fait mal, la moitié de la population, plus que la moitié de la population, ça fait mal à tout le monde, en fait. Oui. Mais on a besoin de modèles, on a besoin de gens qui peuvent nous tirer vers le haut, mais la question que moi, je me pose, c'est effectivement, en fait, tu l'as nommé très bien, Charlie, c'est pourquoi est-ce que ça prend un homme hétérosexuel cis pour nous mener ce message-là? Pourquoi est-ce qu'on peut pas aimer autant juste nos héros queer. Pourquoi est-ce qu'on peut pas comme juste mener ces gens-là et les suivre et comme... adopter ces modes de cette façon-là et non pas ça prend encore une fois, il faut que je sois face à un super-héros, il faut que moi je m'imagine à la place d'un Dieu du temple. C'est comme, c'est comme un Francis Dupuy-Déry qui va toujours être appelé à parler de féminisme alors qu'il y a tellement de femmes qui sont laissées dans l'ombre. Et lui-même le sait et le nomme et dit: ah ben non, mais vous devriez demander à une femme là. Tout en acceptant toutes les entrevues qu'on lui offre. Exactement. Bien entendu. Love him. Bien entendu. Oh my God, quel parallèle, Solène. Tu sais, je pense qu'on tombe un peu dans le piège aussi, mais comme je disais tantôt, on peut pas juste rester silencieuse devant l'actualité ou les phénomènes mainstream, ça c'est clair, mais on embarque beaucoup dans ça de dire, parce que ça pogne aussi, tu sais, c'est vrai que les gens, je pense qu'ils aiment ça réfléchir, surtout quand c'est, parce que les C7 sont fragiles, là, on va se le dire. Fait que surtout quand c'est amené avec quelque chose qu'ils connaissent, souvent ça l'aide, mais en même temps, c'est ça, tu sais, Ça, on dirait que ça reste conversationnel pour des gens. Genre, ça reste tout le temps un peu comme parler de météo. Genre, on va parler de la dernière affaire politique qui s'est passée. Fait que des fois, c'est ça, je me demande un peu. Mais tu sais, je pense que ça change quand même parce que même quand. Je me rappelle un moment donné, il y a un dude là, à Audi, qui a dit leur relation est aussi fake que c'est sain. Puis il y a eu quand même un vent de what the fuck, si on dit pas des affaires de même. Même je comprends que les réseaux sociaux, c'est une chambre d'écho, là, mais même du monde que j'estime pas nécessairement dans mon camp politiquement, je voyais du monde s'aider là-dessus. J'étais comme, OK, fait qu'il y a quand même. C'est très long, c'est des 6-7, mais il y a quand même des choses qui se passent, tu sais. Puis je pense que. Je peux pas croire que t'as brûlé un élément charnière de genre l'histoire de Cynthia et Marjorie avant même qu'on les aborde, mais oui, leur relation aussi fake que leur 5 et you fucking believe it's been said. Anyways, on y reviendra. Mais là, la question c'est, est-ce que la notion de risque pour Jay est vraiment réelle? À quel point on peut dire que c'est audacieux ou courageux de sa part de changer de style et de s'exprimer dans des enjeux comme ça? Y a-tu vraiment pris un risque, selon vous? Genre, mais non, mais je pense qu'il sait en plus, puis il l'a dit, je pense. Il l'a reconnu souvent de dire comme. Tu sais, j'ai genre tellement de privilèges pour être capable de faire ça. Ouais. C'est ça l'affaire. Je pense qu'on y accorde peut-être pas assez de crédit. Je pense pas que, comme Julie, il n'y avait pas nécessairement un si gros message que ça. Je pense pas qu'il a voulu comme voler le micro des queers en faisant ça. Il a juste voulu genre être lui-même, puis les gens l'ont comme forcé. C'est ça, c'est un peu ce que je disais au début. T'sais, lui, il se voyait pas nécessairement comme un porteur de message ou un vecteur. Puis moi non plus, je le vois comme justement un résultat des choses qui, tranquillement, pas fait. Oui, mais pour les straights, c'est tellement big. C'est tellement big. Puis moi, c'est justement là où j'aurais voulu qu'il y ait un message juste un petit peu plus construit sur la masculinité toxique. C'est, je trouve qu'il y a beaucoup un truc de tout le monde peut s'habiller comme ils veulent, puis c'est correct. Puis et ma meilleure amie est lesbienne. Ouais, c'est aussi, ça. C'est comme une crédibilité, en fait, qui traîne un mais peu. Ça manque de torque, tu sais. Je trouve qu'il parle pas de... comment que la masculinité toxique, en fait, ça a des effets dévastateurs sur tout le monde, puis c'est quoi les effets de la masculinité toxique? Non, parce que ça serait un risque. Il fait ses premiers pas. Ça serait un risque. Il fait ses premiers pas, puis il s'est mobilisé quand même. En fait, il a parlé, il s'est adressé aux jeunes personnes qui s'habillaient cross-gender dans les écoles secondaires récemment. Ouais. Donc, il a adressé ça. Une autre en fait, occasion il a, où on a célébré ça, des gars qui se sont mis en jeu pour lieu des filles qui se sont oppressées. Complètement. Ouais. Ça, oui, puis même j'ai du temps, c'est Billie Eilish pour moi qui a ramené tout ce style-là, puis c'est Jay du Temple qui l'emprunte. C'est son styliste, en fait, qui l'emprunte. Puis tout ça, c'est la même chose. Billie Eilish, on a traité comme on a traité Safia Nolin, là, c'est la même chose. Et on trouvait pas que c'était une belle femme. Et Jay du Temple, il fait la même chose. Il emprunte ses styles à elle. Il emprunte toutes ses influences un peu de partout, dans la communauté queer, évidemment. Là, puis on le tag comme héros. Mais c'est tout pour plaire à une jeunesse qui est déjà là. T'sais, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils... ils font. Puis je pense que la barre est vraiment basse aussi pour les hommes. Je veux mon t-shirt, la barre est basse. Pour vrai, c'est un running gag officiel. Genre, vous n'arrêtez pas de dire comment que la barre est basse. Mais je veux mon t-shirt, la barre est basse. Comme c'est tellement vrai que la barre est tellement basse pour les hommes hétérosexuels que comme ils font une petite affaire en dehors de la même barre. Tu sais que c'est comme full célébré. Ça essuie les poils de cul sur la balle après s'être torché, puis oh my god, family. C'est comme quand t'élèves ton enfant, genre, il pousse un crayon, t'es comme, oh my god, t'es un génie, c'est incroyable. Mais là, rendu plus vieux, ces personnes-là s'imaginent qu'ils sont des personnes extraordinaires. Fait qu'à chaque fois qu'on clappe pour un straight parce qu'il a fait quelque chose de genre, il est allé faire popo sur le bol, si tout le monde capote, ben c'est ça, on les traite aussi. Puis je ne dis pas qu'il faudrait commencer à les traiter comme des personnes intelligentes, ça serait une grave erreur, mais quand même. C'est souvent ça qui revient. Donc, sur ça, on prend un café avec un straight. On s'en va prendre un café d'élimination, puis on va revenir avec une enveloppe dans laquelle il y aura la photo d'un ou une des podcasteurs autour de la table qui sera éliminée de la conversation. Alors, à suivre. Pourquoi tu me regardes de même? En tout cas, je sais pas. Je pense que je garde de chat. Tu verras quelle photo a dans l'enveloppe. Les Moons, ce fut un plaisir. checker dans la valise de char si je suis à Charlie, si je suis encore là. Lors du café d'élimination, les podcasteurs ont soumis leur choix. Et les podcastrices. Et c'est Solène qui détient l'enveloppe. Solène, c'est à toi. Alors, malheureusement, sera éliminée cette semaine la masculinité toxique! Oh! Yes! C'est réglé. Merci, Jay. Ouais. On a pu éliminer la masculinité toxique dès ce soir. That's it. Alors, occupation double, a nuqué l'univers québécois culturel en larguant dans l'univers d'occupation double Marjorie et Cynthia, qui ont délaissé les hommes. Et un excellent choix, je le recommande fortement. Ouais. qui ont laissé les hommes avec qui elle s'est associée dans l'émission pour se mettre officiellement en couple comme prétendante au condo de Laval. Après les Moons, on a les Gwyn qui se révoltent, qu'on va appeler les Goons pour l'occasion. Fait que après avoir fait miroiter la possibilité d'un couple de femmes à OD depuis le retour de l'ancienne candidate, d'anciens candidats et d'anciennes candidates, dont Cynthia gagnante d'OD Espagne en 2013, enfin c'était là, ça se passait. On nous disait tout le temps que la semaine prochaine, elle allait avoir un gros changement, qu'elle allait avoir quelque chose qui allait se passer. Finalement, ils se sont mis ensemble, tabarnak! Pour Get Kick Out la semaine d'après, si je comprends bien. C'est ça. Évidemment, ça en est suivi une élimination surprise le jeudi après l'épisode où ils se sont mis en couple, qui lui était un dimanche. Donc, le Québec a eu droit à seulement 5 jours de temps d'antenne pour un couple lesbien à OD. Oui. C'est ça. C'était notre petite commune de Paris concentrée. Oui, ce que j'ai trouvé dommage, en fait, c'est qu'ils ont passé toute leur aventure à se justifier de leur couple lieu de passer leur aventure à vendre leur couple comme ben tout le monde, finalement, ben, à Occupation Double. Là. Fait que justement, tu sais, qu'est-ce qu'on pense du traitement de l'histoire Cynthia Marjorie par la production, tu sais, qui a laissé croire pendant 5 semaines qu'une histoire entre femmes pourrait voir le jour, qui a envoyé les 2 femmes concernées en voyage ensemble avec l'intention de voir quelque chose se développer pour finalement les laisser partir la semaine d'après. Genre, qu'est-ce qu'on pense de cette arc-là? Bon pour le show, pas assez pour le trophée. Ça sonne de même pas mal. Oui, on essaie vraiment de modifier l'ADN d'OD en poussant un couple et avec... En fait, le couple est né de Cynthia et de Marjorie, je pense. En fait, la production n'a pas poussé ce couple-là. Mais après ça, là, je sens vraiment, honnêtement, la production, ben, comme auditrice, là, je sens vraiment que la production a essayé de les mener le plus loin possible dans l'aventure. Ah, et ça, je trouve ça... Pour eux autres, c'est bon, là. Pour eux autres, c'est de l'or, mais là. Pour eux autres, c'est de l'or. Oui, c'est ça. Après ça, avec les quelles intentions, j'en ai aucune idée. Tu sais, je pense qu'ils veulent essayer d'avoir donc toutes les médailles du progressisme, ouais. Là. Mais après ça, comme on l'a dit, c'est pas une OBNL, là. mais tu sais, on s'entend que 2 filles qui freinent, c'était la seule façon d'amener les 6-7 straight à voter sur Novo, là. Oui, ouais. C'est ça. Et ces deux filles-là en particulier... Ouais, 2 filles qui freinent, ouais. Ces deux filles-là en particulier, là. Ouais. Ouais, ouais. Ah, sont-tu belles? J'ai pas vu le... Ah, sont chaudes. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Mais en fait, elles correspondent vraiment aux normes de beauté, là. OK. OK. Mais c'est aussi, tu sais, en tout cas, c'était probablement... C'était le couple avec le plus de Botox dans OD ever, là. T'sais, ah, ouais. Ah, les deux avaient, là. Tu sais, puis genre... Mais revendiqué en même temps. Oui, non, mais il était hot about it, là. Oui, oui. Genre, Cynthia, elle parle de toutes ses procedures, puis elle est comme, elle est vraiment chill avec ça. Genre, Marjorie, elle a 27 ans, elle a l'air d'une MILF déjà. Genre, oui, c'est ça. Il y a vraiment une zone floue, une zone de l'âge des participants et participantes d'OD où on sait pas trop si ça pourrait être notre mère ou s'ils viennent de naître, finalement. Des fois, quand ils nous disent, ah, j'ai juste 22 ans, on tombe des nues, là. Ouais, ouais, ouais. Mais là, Cynthia, en fait, elle, justement, elle documente, en fait, chacune de ses chirurgies, elle s'est fait refaire les fesses, ça en parle beaucoup, là, puis ouais. Bien correct avec ça. Mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est ça, c'est deux femmes qui ont vécu une aventure, mais dans l'ombre. En fait, leur love story, là, leur ligne, a été complètement éclipsée parce que elles ont choisi 2 hommes avec lesquels elles voulaient finir l'aventure, tout en collant leur lit, en continuant de dire qu'elles s'aimaient, qu'elles s'aimaient bien, qu'elles se demandaient si l'autre secrètement avait des sentiments pour les femmes ou en avait déjà eu, à demander des dates avec l'une, à demander, ok, oui, je peux avoir une photo finale avec mon boy entre guillemets. Mais est-ce que je pourrais aussi en avoir une avec Cynthia ou avec Marjo? Donc, elles ont quand même... On sentait que sous la trame très, très hétérocentriste d'Occupation Double, elles ont vécu une petite histoire. Et je pense que le fait de se faire valider par la production, le fait que la production leur ait dit à un moment, écoutez, l'histoire, c'est vous qui l'écrivez. C'est un peu comme ça qu'ils l'ont dit. Mais elles se sont dit, OK, donc notre histoire a une valeur, j'ai envie de la vivre à la télé. Et c'est quand même incroyable. J'ai appris par la suite que ni Marjorie ni Cynthia n'avaient fait coming out public. Donc, c'est, je salue leur force. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir assisté à ça. Après, dans le fond, une fois que les candidats et les candidates sont expulsés d'OD, oui, ils peuvent écrire une petite lettre là, sur le site d'Occupation Double pour parler de leur aventure. Puis Marjo, elle a écrit, tu sais, elle a dit « Moi, c'était très difficile pour moi d'assumer que je voulais être avec une femme parce que mes parents et ma famille sont pas au courant que je suis pas hétéro, tu sais. » Puis moi, genre... Hard relate, là. Genre, je peux même pas imaginer ça doit être quoi. Comme, tu sais, moi, je parle à mi-mot officiel que je suis un bébé queer parce que ma mère, elle écoute, puis je suis mal, tu sais. Fait que je peux même pas imaginer c'est quoi d'être à OD puis de réaliser je veux vivre ma pansexualité. Parce que je pense que les deux se sont identifiés comme ça. En tout cas, Cynthia, for sure, Marjo, je suis moins sûre, mais je peux même pas imaginer ça doit être quoi de faire un coming out comme ça à heure de grande écoute, ouais, comme filmé de tous les angles, ouais, genre comme aïe. Je me pose la question, tu sais, on disait tantôt, est-ce que j'ai du temps de prendre un risque? On a défini que pas vraiment. Est-ce qu'on s'entend, là, on venait de m'informer que ces personnes-là correspondent vraiment bien au standard de beauté, tu sais, bon, ils ont un certain nombre de privilèges right off the bat. Est-ce que ces personnes-là, vous pensez qu'elles prenaient un risque en faisant ça? Est-ce que le risque était plus gros? Est-ce que parce que c'est des femmes, c'est plus difficile? Pour moi, il y a plus une notion de risque dans la mesure où, tu sais, OD, il y a très, très peu de règles, mais s'il y a une chose de vraiment sûre, c'est que tu as une maison des gars, une maison des filles, que les gars et les filles vont en dé... Tu sais, comme l'hétérosexualité, c'est à peu près... Le seul truc de base qui est tenu pour acquis, qui changera pas, tu sais. Fait que je trouve que la notion de risque, c'est, ben, tu sais, first, tu le fais à l'heure de grande écoute, puis aussi, tu sais, dans un truc de, il y a pas juste du monde, du public chez eux qui ont fait, mais non, pas vrai, ils veulent juste gagner. Puis aussi, le fait que elles aient un physique vraiment pitoune pour le ouais. décrire de cette manière, ça fait c'est aussi super sujet à de l'invalidation, juste parce que nécessairement, genre, l'idée que le grand public se fait des lesbiennes ou des femmes queer, c'est pas Marjorie pis Cynthia, tu sais. Non, tu fais pas juste ça pour gagner un condo, là. Je peux pas croire, là, tu sais, je veux dire, la vie... Après ça, tu finis au dé, tu sais, t'es reconnue pour... ton parcours OD. That's it, là. Souvent, c'est ça, tu fais pas ça. Non, puis, mais c'est vrai. Quand les gens disent, genre, ils fake ça juste pour le condo, puis que Carrie puis Kevin étaient comme, on devrait se mettre ensemble. Ce n'est que le début de la vie. J'étais comme, try. Essaye donc pour voir. Parce que pour vrai, vous auriez pas le guts de, genre, frencher un gars à TV, puis de, genre, vous présenter comme bisexuel, puis vous seriez pas capable de le faker. Fait que pour vrai, m'en calisse si c'est vrai ou pas. Elles sont capables de l'assumer, genre. Puis honnêtement, là, Marjorie, là, si on parle des règles Occupation Double, là, elle avait enfin gagné ça. Elle avait gagné un défi avec son Kiari. Ouais. Il venait d'accéder à la maison mixte, la maison finale. En fait, ils étaient tous persuadés, justement, là, d'être dans la course finale en duo, Kiari et elle. Et elle a dit, hey, je préfère passer le reste de mon aventure avec Cynthia, finalement. Ouais. Kiari, j'ai un malaise avec lui. OD, ça vient aussi avec une pression d'être épié 24 heures sur 24. À un certain moment, tu dois aussi dire au public ou faire sous-entendre que tu as hâte de coucher avec ton partenaire aussi, ton ou ta partenaire. Donc, il y a vraiment... j'ai l'impression que c'est ça, la vérité a ressurgi. Après ça, j'ai pas envie d'être la police de qui s'aime le plus puis qui prend plus de risques que l'autre. Ça reste une télé-réalité. Là. Tout, oui, c'est un peu pour le show. À OD, la règle d'or aussi, c'est de se matcher comme le plus rapidement possible. Puis si tu te matches avec quelqu'un que ça te tente plus finalement, tu peux comme pas switcher. Mais ben vraiment... une femme peut pas. Une femme peut pas. Un gars, ça switch comme il veut. Oui, parce qu'un gars qui fourre avec plein de femmes, c'est exactement. Une superstar. Une femme qui fourre avec plein de exactement. Gars, c'est une petite salope. Ben oui, c'est fait ça. Elle a changé à de nombreuses reprises aussi. Tu sais, Marjorie, elle a comme eu deux partenaires, grosses guillemets partenaires, là, hommes au début. Puis après, quand elle a trouvé Cynthia, puis en tout cas, n'importe qui observe OD avec un peu de jugement pouvait se rendre compte qu'elle était beaucoup plus épanouie, tu sais, avec Cynthia. Fait... Après ça, tu sais, oui, puis après ça, si c'est un couple stratégique, peut-être. Tu sais, comme mais tu dis, Jess... Il y en a plein de couples stratégiques, mais exactement, c'est ça, c'est peut-être un couple stratégique, mais c'est pas des coming out stratégiques. Ouais, je veux dire, l'une s'est dit pansexuelle, l'autre s'est dit je crois pansexuelle ou bisexuelle. Je veux dire, moi, sur Tinder, j'ai jamais vu ça, rencontrer ça, une lesbienne stratégique. ou une lesbienne politique, là, ah, tu comprends? On en a parlé la semaine passée du lesbianisme politique, ça existe, ça? Oui, le lesbianisme politique, passée, mais stratégique, chaud, ouais, les stratèges du lesbianisme, jamais entendu parler. Charlie, juste me rassurer, je te préviendrai folle, c'est-tu ce show-là qu'on a parlé de ça? Ben, on a parlé de ça, mais je comprends la nuance entre séparatisme lesbien et lesbianisme stratégique. Oui, c'est ça, ok, parce que des fois, il y a d'autres... plusieurs podcasts. Moi, je suis mêlée. Oui. Robin? Mais pour revenir sur la question aussi, est-ce que c'était un risque? Ouais. Je pense que Marjorie et Cynthia comprenaient tout au long à quel point c'était un risque. Puis elle était tout le temps en train un peu de gauger justement c'était quoi leur investissement. Oui. Puis ça, c'est une partie de leur histoire que je trouvais très vraie. En fait, finalement, dans la notion de télé-réalité, je pense qu'elle... Elle explorait cette relation sous la guise d'une deux filles qui french dans une toilette, comme si ça c'est pas déjà lesbien, mais c'est pas une lesbienne. Mais c'était comme une espèce de safety qu'elle prenait, puis elle explorait un peu cette relation. Mais en voyant justement, parce que Marjorie aussi, Solène, c'est vrai qu'elle utilisait le mot pansexuel, et je pense que c'est vraiment si j'ai dû comme si je mets à sa place, là, aussi, j'imagine où elle a appris ce mot-là. Je pense probablement que c'était Occupation Double avec uh-huh. Jessie Nadeau qui a apporté ce vocabulaire-là. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que... Fait qu'on avait comme une scène au début, où on assistait à une scène où des candidates, elles pouvaient poser des questions à des nouvelles personnes qui arrivaient. Et Marjorie, elle faisait partie de cette gang-là. Et Cynthia, elle avait... excusez-moi, le contraire. Cynthia faisait partie de cette gang-là. Marjorie, elle avait demandé à une autre candidate, est-ce que ça serait possible de lui poser la question à Cynthia si elle est pansexuelle. Tu sais, on voyait vraiment qu'elle tentait de... À une autre candidate, c'est laquelle entre vous qui avait... Héloïse qui a demandé ça. Ah non, c'est pas... C'est sur Réalité Conséquence, c'est Thomas Leblanc qui avait dit qu'elle sentait le Chanel numéro 5, là. Tu sais, genre, Héloïse, elle est stock-up à ce point-là, là. Tu sais, elle était pas à l'aise avec ses lèvres faites. Elle a dit « Ah non, moi, je demanderais vraiment pas ça à quelqu'un. » C'est ça qui était tellement blessant. Quand j'ai vu ce moment-là, ça m'a fait comme « Ben voyons, tu poses pas cette question. Qu'est-ce que tu veux dire? » Oui, oui, c'est ça, là. D'exclure quelqu'un, puis exclure une potentielle romantique qui est le but du jeu, tu sais. C'est ça. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est que quand Marjorie et Cynthia ont été éliminées, après ça, cette semaine, on a vu, dans le fond, il y avait comme une petite réunion, une mini réunion de toutes les exclues. Puis, Marjorie, elle avait clairement, elle est allée faire ses recherches, puis elle est revenue avec une nouvelle définition de c'était quoi la pression qu'elle vivait, parce que c'était absolument pas les mots qu'elle utilisait avec Chiari. Elle parlait de Chiari comme quoi elle lui mettait une pression, puis on assistait à des scènes quand elle est revenue du voyage avec. Tu sais, je contextualise beaucoup, là, mais juste pour des gens qui l'écoutent pas. Marjorie et Cynthia sont revenues ensemble d'un voyage et Marjorie est allée parler avec Chiari puis elle a un peu pété une coche. C'était pas très... De l'excellente télé. C'était pas exactement... Chiari, c'est-tu Chiara en gars Occupation Double? Moi, je suis confus. We wish. Là, ça serait queer. Yes. Puis Marjorie, dans cette dispute-là, elle avait utilisé les mots pression, mais pour dire « Ah, tu me mettais un peu trop de pression. » c'était flou, là. C'était pas clair. Puis finalement, quand elle est revenue sur cette heure de vérité qu'on a vécue cette semaine, c'est comme une mini heure de vérité. Je pense qu'il avait peur d'avoir trop de stock pour la vraie heure de vérité. Ils se sont dit « On va en plugger dans une quotidienne, là. » Ouais. Mais elle a tout de suite parlé de « Ah non, de la pression que je vivais. » Puis elle avait clairement, elle l'avait répété, là. C'était clair qu'elle était comme si c'était pour dire ça. La pression qu'elle a vécue, c'était la pression de vivre une relation homosexuelle à Occupation Double. Ouais. Et elle sentait juste une pression comme si elle pourrait pas faire ça. Et je trouvais ça super beau. C'est comme si elle a... Puis peut-être c'était même pas ça, mais finalement, quelle belle comme façon de... C'était pas pour vendre son couple, c'était juste pour affirmer encore plus qu'elle était contente d'être lesbienne et faire ce coming out-là de cette façon-là à ce show. Puis justement, on a commencé là-dessus d'ailleurs sur le fait que Marjorie et Cynthia ont passé beaucoup plus de temps à se justifier d'exister qu'à se vendre comme les autres couples. Les autres couples se vendent, tu sais. Ils vendent le fait que leur amour est authentique, le fait qu'ils sont un couple qui vont durer pour toute la vie, qu'ils sont un bon match. D'autres, ils faisaient juste se justifier d'exister. Fait que l'invalidation du couple des deux femmes vient autant des candidats que d'une partie du public. Qu'est-ce que ça révèle sur le Québec en 2020? Puis sa perception des sexualités fluides. Qu'on est en retard. Tu vois, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand Cynthia est sortie, elle a fait des entrevues, puis elle a dit, tu sais, la gang, moi dans mon édition en 2013, j'ai eu des relations sexuelles avec une autre candidate dans la maison des filles, puis personne n'en a jamais parlé. Ça n'a jamais été télévisé. Drop parce the motherfucking bomb. All right, Cynthia, toutes les condos qu'elle veut, elle, pour vrai, elle peut revenir tous les années, là. Elle était comme, tu sais, à cette époque-là, au D, il n'était pas ouvert à ça. Tu sais, ça, c'était vraiment la dernière édition, dans le fond, avant que J. Dutombe prenne la relève avec la nouvelle comme production. Ah, oh, t'avais pas vu ça, Solène, t'as la bouche. Solène, le jaw drop, là, genre. Puis, j'ai trouvé ça parlant. Tu sais, je pense qu'ils ont quand même. Je pense que la prod, quand ils ont vu ça, ils ont voulu. Vendre plus de poppers. Ah, il y a du poppers à OD? Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il arrête pas. pas de parler de poppers, mais c'est, tu sais, l'espèce de Smirnoff de dépanneur. C'est pas le là. Petit liquide de dilate, là. Non, mais c'est tellement drôle. C'est tellement drôle parce qu'ils vont tout le temps dire, genre, oh my god, j'avais tellement pris trop de poppers. Une soirée poppers relax. Super gay, comment tu en parles, mais actually, non, c'est juste genre l'espèce de Smirnoff de dépanneur, c'est trop bon. This is fucking gold. Fait que les sexualités fluides au Québec, moi, c'est, je riais, hein, je disais, ça montre qu'on est en retard, mais bon, c'est une situation bizarre au Québec, parce que, tu sais, on a des acquis sociaux vraiment forts, tu sais, comme le droit à l'avortement au Québec. Bon, oui, il y a des gens qui posent problème puis qui pensent que ça devrait... Mais il n'y a pas de parti en ce moment au Québec qui pense qu'ils vont mettre ça en question, tu sais. L'homosexualité est généralement acceptée, il n'y a pas de discours politique majeur qui condamne l'homosexualité, bon, qui font la promotion de l'hétérosexualité très certainement, mais... Puis de l'autre côté, quand tu regardes la télé, le théâtre, whatever, asti de tabarnak, on est encore des années genre 50, 40, 30, je sais pas, ça avance pas. Why? Tour de table, why? Mais je sais pas, tu sais, en ce moment, j'habite, je vous l'ai dit tantôt, j'habite chez mes parents à Valleyfield, je suis confinée avec mes parents en ce moment, puis ma mère, elle écoute beaucoup de téléromans, là, puis on dirait que c'est le même téléroman qu'elle écoute à tous les soirs. Ah, comme, je suis pas capable de le différencier, tu sais, moi, je suis dans ma chambre, j'écoute pas les téléromans avec elle, mais comme j'entends des fois des bribes, puis c'est toujours la même chose, là, tu pourrais comme les interchanger. Je là, fais c'est la toujours même pas la différence entre Radio Enfer, Virginie, puis 30 vies. Ah! Moi, je trouve que c'est tout Yamaska. Ouais. C'est probable, quelques années, puis comme, on dirait que c'est la même affaire. C'est juste toute une déclinaison de Annie et ses hommes sans Guylaine Tremblay. Exactement. Fait que c'est sûr que si mettons qu'on dit que le grand public, ça existe, si c'est juste ça qu'on leur offre tout le temps, comme, puis même quand on va dans les affaires un peu plus edgy, que c'est tout le temps quand même le même crise de discours, ben... C'est quand même décalissant de se dire que cette année, genre, Jay met du vernis, puis il y a deux filles qui sont ensemble, alors que des années où c'était literally animé par des homosexuels. Oui. Genre, il n'y avait rien de ça qui se passait, là. Mais l'animateur était homosexuel, tu sais. Il y avait Joël Legendre, puis Feu Éric Salvaille, qui nous a goûté. Mais au Québec, c'est ça. L'homosexualité, ça va toujours rester un thème. Oui. C'est ça. Donc, on est confiné au thème un homosexuel. Sujet de conversation. Mm-hmm. Donc, si tu es homosexuel, ben, tu dois avoir eu le sida ou tu dois avoir eu une enfance super difficile liée à ton coming out difficile, tes fréquentations difficiles. Ouais, parle-nous de tes tentatives de suicide, explique-nous comment c'était de la merde. Exactement. Puis moi, je pense que le vrai risque là, pour la prod à prendre et pour les candidats à prendre, ça serait vraiment deux hommes en fait, qui se matchent ensemble. Je pense que ça. Tu sais, parce qu'on pourrait pas nier. On pourrait pas mettre ça sur le lesbianisme. Pour faire bander des gars, en fait. Ça serait vraiment juste, hey, regarde, ça aussi, c'est possible. Ça, c'est une vraie ouverture. Surtout que deux filles, ils se French, ils sont ensemble, ils sont comme, oui, nous sommes un couple. Les gens sont comme, ah, mais non. Tandis que pour vrai, des gars, ils seraient comme, wow, you touched a dick. Genre, tu peux, there's no coming back. Là. But then again, est-ce qu'on voudrait vraiment que, encore une fois, les cis gays soient. Parce que là, on retombe à un problème, un degré en arrière. Est-ce qu'on veut vraiment que les cis gays soient la face de la révolution occupation double? Je préfère encore deux Gwyn. Effectivement. En même temps, je suis comme. Moi, je pense aucune chance que ça arrive à OD. Le genre de gars là, qui va à OD, là, pour qu'il y en ait deux, à TV, ça a été super compliqué pour genre Cindy et Marjo. Je suis comme. Ils sont même pas capables de demander aux gens qui veulent être candidats, est-ce que vous aimez tous les types de corps? C'est quoi votre stand là-dessus quand ils veulent mettre une toutoune dans leur télé-réalité? Fait que, ils vont-tu vraiment commencer à demander est-ce que vous êtes bisexuel aux gars? Moi, j'y crois pas. Ne serait-ce que parce que les gens qui font la sélection des candidats, on le voit tout le temps. Au début, c'est juste des hommes blancs, cis hétéros. Fait que, tu sais. Fait que OD queer, c'est mort pour toi, Amé? Ben, moi, j'y crois pas tant et aussi longtemps que ça va être encore les mêmes personnes qui vont toujours faire la sélection parce qu'on peut bien, tu sais, encore une fois, on blâme la prod souvent, mais comme tant que la prod va pas changer, tant qu'ils vont pas injecter quelque chose de plus dans la prod, même si la réelle est super féministe, tu sais, Valérie Dalpé, on apprécie là, son apport à tout ça, mais tant et aussi longtemps que ça va être tout le temps les mêmes personnes qui sont les idéateurs derrière. Oui, je suis d'accord avec toi. Après ça, OD cette année, juste le fait que ça se passe au Québec et non pas au Brésil, on faisait exit les piscines, donc moins de corps aussi. Parce que d'habitude, la piscine est toujours étonnamment du côté des femmes, donc on voyait beaucoup de femmes exposées. Incroyable, pas pourquoi. Donc on avait toujours notre 15 minutes de filles en maillot à chaque soir, donc ça venait beaucoup dans l'ADN d'Occupation Double. Là, c'était moins là cette année. Cette année aussi, juste le fait qu'il y ait une maison mixte, par contre, on dirait que c'est un premier pas vers un OD un petit peu plus queer, plus décoré. construit. Après ça, est-ce que j'y crois? On peut utiliser le terme LGB plus que queer. C'est ça. Ah oui, LGB. Ben, oui. Oui, oui, ben, oui. On peut inclure LGBT à cause de la saison passée, grâce à la saison passée, parce que quelqu'un de la sœur ben, était là. En même... fait, je finirais juste à L. Cette année, c'était pas mal ouais, juste cette année, L. C'était L. Oui. Avec un ouais. couple de, oui. De femmes racisées. C'était la page couverture de L. C'était des L qu'on a vu à TV. Yeah, c'est L. L. Exactement. Donc, je pense que il y a quand même beaucoup de nouveautés cette année qui vont dans le bon sens. Après ça, est-ce que je crois à un haut des queers? On est très loin, mais peut-être dans quelques années. Moi, je pense que une bonne comparaison, là, c'est que à date, là, depuis OG, Terrebonne, Blainville, ça a toujours été des hommes qui ont animé OD. Puis là, cette année, il y a des gens qui sont comme, OK, l'année prochaine, si Jay revient pas, est-ce qu'on pourrait avoir une femme qui va animer OD? Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais là, les pétitions sont pour Marilyn Jonca, qui est comme une humoriste très problématique, qui est très, avec beaucoup de misogynie intériorisée et tout. Mm-hmm. Fait que là, c'est comme, là, vous allez encore nous faire à croire que vous voulez être progressiste si vous mettez comme Marilyn Jonca à la barre de l'animation, ouais. Mais ça reste toujours comme des bonnes intentions qui floppent. Mais tu sais, en même temps, je pense qu'on ne devrait pas s'attendre à grand-chose. Je pense que... Jess qui est comme, pour vrai, faites-vous-en pas d'attente, vous serez pas déçus. Je trouve ça le fun qu'on en discute, genre, parce que moi j'adore le concept des ficelles, là, je veux dire, je suis pas en train de dire faites pas ce podcast-là, on devrait pas en parler par rapport à ça n'existe pas, je l'ai déjà dit, mais comme, tu sais, moi j'ai pas de grosses attentes, mais une chose est sûre, si je commence à avoir un mouvement qui se crée pour OD Queer, puis que le monde commence à passer de l'énergie là-dessus au lieu d'autres choses, whatever what, on va se parler, on va faire un épisode seul là-dessus. Sacrement! Je suis fâché! Comme pour vrai, là, c'est ça le combat de notre temps! Aïe, aïe! Hey, moi, je suis capable. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que quand vous allez enregistrer votre podcast avec deux fifles le matin, est-ce que tu penses que Jess PVM va imploser en parlant d'OD? Et voilà! It happened! It happened! Elle sait même plus où tirer. Elle est rendue que, genre, elle drag ses propres chums. Fait que. Voilà. Petit velours pour finir, Manon Massé qui a publié un post sur Facebook à propos de Cynthia et Marjorie après leur élimination en parlant d'un plafond de verre brisé d'une certaine manière, entre guillemets, et de mentalité qui évolue avec ce genre de présence-là à la télé. Je pense qu'on peut finalement parler d'un plancher de verre. Est-ce qu'on s'aligne avec l'analyse de Manon ou est-ce qu'on pense qu'on trouve que les opportunités d'éducation faisaient défaut? Je pense que c'est encore une question de c'est quoi le c'est quoi en arrière là de Manon Massé, c'est quoi son but à faire avec ça? Je comprends, je sais pas, on parle de OD, c'est une machine à vendre. Ben Manon Massé, je vais toujours me méfier de nos politiciens, puis avec amour là, puis avec bienveillance, ouais. Et avec, mais on se méfie quand même pas de Manon de la même manière qu'on se méfie de François Legault. Ça va. Mais critiquer Manon Massé, moi je viens de recevoir un message texte de Ricochet, vous êtes out. Mais quand même, moi je trouve que c'est intéressant parce que Manon c'est quand même genre une féministe d'un autre temps aussi, tu sais. Complètement. Puis elle est lesbienne et queer vraiment pas de la même manière que Cynthia et Marjorie. Fait que moi je trouvais ça hot qu'elle partage ça puis qu'elle soit pas dans un truc de genre de pas vraiment le considérer que c'est vrai ou que ça a pas d'importance, tu sais, puis que genre fucking Manon Massé partage l'image de genre ces deux pitounes botoxées là en disant comme yes bitches I stand, j'étais comme yes Manon, moi, pour vrai là. Moi je suis la groupie des ficelles là, puis moi Manon Massé encore une fois comme she can do no wrong, puis genre moi j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant de voir que comme, puis j'ai lu son livre aussi là, fait que je vois. Parce comme... qu'elle animerait au dé. OK, je pars une pétition à l'instant. Rire, Charles, c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Fuck yes. Mais c'est sûr, les posts de même, ça valide encore plus leur couple. C'est ça, c'est... Moi, je la trouve vraiment bonne de pas être partie partout ces places publiques pour dire « Moi, ça fait 20 ans, tabarnak, que je me promène avec ma moustache, pis là, les deux botox, esti! » Je la trouve forte, Manon, de les avoir félicitées au lieu d'avoir dit « Pis moi! » Hey, Manon. C'est vrai que c'est la première fois dans OD. La première fois, mettons, connue, là, vu qu'on sait maintenant que c'est arrivé avant. Mais oui. En même temps, c'est vrai que c'est la première fois que la prod a encouragé ça quand même. Je pense qu'on en a parlé, mais je pense qu'ils leur ont donné beaucoup d'opportunités pour essayer de rester le plus longtemps possible. souvent la prod vont faire ça avec leur ouais. couple préféré, tu sais. Mais... Oui, puis que Manon soit pas hautaine face à un objet aussi pop. Mm-hmm. Ouais. Oui, ouais. Et elle a intérêt de pas être hautaine face à un objet. C'est la dernière chose que Québec solidaire peut se permettre, c'est d'être hautaine. Ouais, ouais, mais ça. Ah, c'est vrai que Québec solidaire sont vraiment perçus comme, tu sais, plus... Les Montréalais bobos. Oui, les Montréalais bobos, whatever, tu sais. Fait que je trouve ça cool, justement, que, ben, qu'elle s'intéresse à ces choses-là puis qu'elle sorte de ce carcan-là aussi, de ouais. genre... Après ça, est-ce que c'est vraiment elle qui s'intéresse à ça ou c'est genre toute sa gamme? Est-ce qu'elle a une excellente team derrière? Ça moi, ça fait la même chose que les photos d'Obama en normcore. Ouais. Tu sais, c'est un peu... Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a eu un petit scandale à l'intérieur de QS parce qu'il y a un comité LGBTQ qui devrait être consulté sur ces questions-là avant que le parti prenne position dans des affaires. Puis elle l'a pas fait, ça. Fait qu'il y a eu un petit bala. Quand est-ce qu'un organisme ou qu'une organisation de gauche n'implose pas puis veut tout se tuer entre eux autres, c'est ça? Ouais, bon, c'est partout pareil. Oh, là, ouais. Pourquoi on n'est pas capable de s'organiser? Pourquoi on n'est pas capable? Parce qu'on veut toujours être les plus radicaux. Ça, c'est mon rôle aujourd'hui mais c'est juste dans l'émission, là. Charlie, t'allais dire? Ben, rien. Rien. La malle. Voilà. Vous savez ce que je m'en vais faire. Que je vais pas manquer. Ah! Vous savez ce que je m'en vais faire. Moi, je m'en vais me prendre un petit café et je m'en vais m'asseoir à la finale parce qu'au moment où on enregistre ceci, la finale d'Occupation Double, c'est pas encore produite. Fait que je m'en vais me chercher, je m'en vais dans un drive-thru, là, n'importe où, me prendre un petit café fil, m'asseoir le cul ouais. et savoir qui c'est qui l'a gagné. Un petit café poppers pour aller avec les commanditaires. Yes! Yeah, café, tu sais comme tu peux pas verser du poppers dans rien, là, c'est vraiment juste une gorgée puis une sniff. Là, ouais, moi dire comme ami avec le café, you can do no wrong, peu importe ce que tu mets là-dedans. On revient. Et c'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci les ficelles d'avoir été là. Merci pour ce premier crossover. Oui. Merci pour votre réflexion, votre parole queer tellement pertinente, aiguisée. Oh my God, arrêtez, je vais rougir. C'est un honneur. Continuez, moi j'aime ça. Est-ce que vous avez des choses à plugger? Oui, ben en fait, nous, on est produits par Ricochet, fait qu'on aime ça toujours faire un petit shout-out, c'est vraiment gentil. Leur locaux, c'est ici à la Halte. Yes, qu'ils nous ont prêté une salle. On est en personne, mais distancé, mais en personne! Fait que shout-out à Ricochet et à la Halte. Puis, dans le fond, les ficelles, vous pouvez nous écouter. On est sur le site de Ricochet, mais aussi sur toutes les plateformes, là, Balado, Spotify, whatever, tous les mercredis. Il nous reste deux épisodes avant la fin de cette saison-ci. Ouais. Et puis, petit mot pour préciser finalement les origines de Robin et moi. Les points CI, les barres CT. Il y a confusion pour la communauté de Québec. Robin et moi n'avons pas habité à Québec. En fait, on était là la fin de semaine où on a découvert OD, tout simplement. Donc voilà. Excellent. Donc on vous remercie, vous qui venez de Val-Bélair. Ah non, Lévis, excusez, je ne l'ai pas mêlé les affaires. Non, c'est pas vrai, ils ne viennent pas de Lévis non plus. Je fais juste les niaiser, je leur tire la langue. Moi, j'ai fait la plug la semaine passée, mais je vais encore me faire une plug cette semaine parce que j'ai travaillé fort en crise sur ce podcast-là. Fait que je vais en parler jusqu'à temps que je crève. Toutes les plugs que tu veux. Fais écouter les deux épisodes que j'ai produits de Bon Baiser de personnes trans. C'est vraiment bien, bien bon. Et j'invite aussi les personnes queer qui vont peut-être pas l'écouter parce que vous connaissez probablement ce dont je parle. C'est un podcast qui est plus éducatif. Je vous invite à le partager parce que c'est vraiment un petit 101 sur les transidentités, la transition, être un artiste trans. Alors, écoutez-le si ça vous tente, mais. Si vous écoutez deux fois le matin, l'éducation devrait être faite. Sinon, écoutez-nous comme du monde. Cela étant dit, j'ai pris mon souffle, je t'apprends à mourir. Sacrément. Cela étant dit, vous pouvez Faites-nous nous suivre. Faites-nous pas ça. Si je peux payer assez cher pour disposer d'un cadavre. Là. Non. Puis j'ai pris du poids en plus. Fait que ça... L'eau racharrier. Et à écouter. Alors, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui ont de l'allure. On va-tu finir cet épisode-là? Mais non, on a du fun, on finit plus. On a du fun, on n'arrête plus. On appelle tout pop en tout, mais on fait un triple crossover. Tabarnak. Okay? On va être 28. Non, c'est moi qui fais le editing, laissez faire. Mauvaise idée. Alors, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux qui ont de l'allure. Vous pouvez nous suivre à 2 FIF le matin, le chiffre 2. FIF avec un X à la place du I parce qu'on peut pas se faire chatter par la police des mœurs. 2 FIF le matin. En un mot, mettez-nous des étoiles, des thumbs up si vous nous croisez sur la rue. Donnez-nous les sextoys et on se revoit. Oui, on se revoit la semaine prochaine. Ah, ouais, on se revoit la semaine prochaine. Oui.